nos chroniques des ambassadeurs de Chicoutimi à tous les mercredis comme on le faisait les années passées. On avait une chronique des ambassadeurs, mais ça va faire bizarre pour moi parce que à tous les mercredis, c'était un rendez-vous hebdomadaire avec Rock Beaulieu. Mais là, ce ne sera pas Rock cette année, parce qu'on sait que Rock ne sera pas là à la barre de l'équipe. C'est son dauphin qu'on pourrait l'appeler, Michael Godreau. Salut, Michael. Michael, première année à la barre des ambassadeurs de Chicoutimi, tu remplaces Rock Beaulieu. C'est sûr, ça fait 6 ans que tu étais avec Rock. Comment tu trouves ça, remplacer Rock? Ah, très excitant. C'est sûr que là, moi avec Rock, on a développé des choses tant personnelles que pour sur le hockey. Fait que on garde une bonne expérience de ça. Puis côté sur la glace avec les joueurs, tout ça, là, on a commencé notre camp fin de semaine. C'est un peu en retard à cause que là, l'aréna ici, nous autres de Chicoutimi est pas prête. Fait qu'on a transféré ça à Chapin. Fait que là, on est un peu excité, commencé en fin de semaine, beaucoup de joueurs au camp, c'est le fun. Michael, est-ce que dans le professionnel, on dit qu'être entraîneur adjoint, c'est pas nécessairement l'idéal de devenir entraîneur-chef parce que l'entraîneur-chef, c'est celui qui fait de la discipline, qui fait un peu de tout. Tandis que l'entraîneur adjoint, lui, il faut qu'il se mette ami avec les joueurs. Est-ce que c'est un peu le même principe que t'as que même dans le midget double lettre? Absolument. C'est exactement okay. Le même principe, en tout cas de notre côté. Je trouve que nous, on a une équipe jeune okay. cette année, peu de vétérans. Donc j'étais un peu chanceux de ce côté-là. Je starte avec une nouvelle gang, donc ils me connaissent pas toutes. Donc le côté ami est un peu de. On a laissé ça l'année passée dans la chambre. Puis je peux t'assurer qu'avec les joueurs qui étaient là l'an passé, le message est passé, puis okay, okay. Ils l'ont compris. Par les années passées, c'était toujours le même problème de joueurs. Je sais pas si tu écoutais nos entrevues avec Rock. Il y avait quasiment pas une semaine qu'on parlait pas du problème de joueurs. Est-ce que c'est la même affaire cette année? Oui, c'est le problème de joueurs, ça c'est sûr, ça a tout le temps été. Là. On n'a pas besoin de checker midi à 14h, on a qu'à checker la population, puis on s'en aperçoit. Mais écoute, on n'est pas du genre à s'apitoyer sur notre sort. Tout ce qu'on a à faire, c'est travailler différemment, c'est travailler un peu plus fort. C'est ça qu'on enseigne aux jeunes. Quand on réussit à performer, c'est comme une petite fierté qu'on se donne. Fait que on va recommencer ça cette année. Quel genre d'équipe que tu penses avoir cette année? Une équipe très jeune, ça c'est je l'ai dit tantôt, mais très rapide. En tout cas, ce qu'on voit au camp, là, une équipe très rapide, puis que je pense qu'avec les nouveaux règlements, ça va comme bien chuter ensemble. Là, on apprête ça de cette manière-là, puis les joueurs semblent comprendre un peu le message qu'on veut passer de ce côté-là. On y embarque là-dedans, puis on voit la rapidité sur la meilleure. Est-ce que Rock, par les années passées, les équipes à Rock, c'était début de saison très lent. À part l'année passée, ça n'a pas fait ça, mais les autres années, c'était pas mal ça. Début d'année très lent, arrive par la suite aux fêtes, et là, l'équipe se met en deuxième vitesse. Est-ce que c'est ça que tu vas viser encore cette année? Ben, tu l'as été. Ouais, tu l'as été avec Rock, fait que tu sais très bien de quoi je parle. Là. Oui. Encore plus, surtout que cette année, on a une jeune. L'an passé, on avait vraiment une équipe de vétérans qui savait comment ça marchait. Le système, ça faisait une couple d'années qu'on travaillait avec eux autres. Donc, par la force des choses, on a connu une bonne saison, début de saison. Cette année, ça devrait être le contraire. On a une équipe jeune, comme je le disais. Faut tout réapprendre en plus des nouveaux règlements. Donc, c'est sûr qu'au début, là, ça va être une adaptation pour tout le monde, mais c'est positif. Là. Je pense que tout le monde va être positif là-dedans. Je crois qu'il prônait par ça le positif, mais ça va rester. Fait que on prend ce positif. Okay. Maintenant, du côté des adjoints, comment ça va se passer? Côté des adjoints, j'ai encore Christian Bouliane okay. qui était avec nous autres l'an passé, qui s'occupait plus de la portion goaler et tout ça. Daniel, on sait qu'il ne sera plus entraîneur non plus. Fait que là, on a un nouveau entraîneur qui est Simon Bergeron, que les gens connaissent sûrement. Il a goalé Junior 3 et puis Il a fait une coupe de séjour avec les Olympiques aussi. Fait que lui, il va nous côté, il va nous diriger un peu côté gardien de but. Avec un support côté entraîneur. Okay, okay. Du côté maintenant des matchs pré-saison, comment ça s'en est? Ben nous, les matchs pré-saison, là, comme je t'ai dit, le camp il est comme pas terminé encore. On n'est pas encore en plein dans le camp. Fait qu'on, les matchs pré-saison, on va faire ça contre Mississippi. Comme d'habitude, eux sont rendus 2B aussi. Donc, on va pouvoir après. C'est sûr que les nouveaux règlements vont rester les mêmes. Donc, on va avoir un peu de matchs pré-saison certains en fin de semaine. Après ça, par la suite, on verra si Lac Mistassini, qui s'est rendu 2B, il n'y a pas moyen d'avoir une fusion. Ah, c'est ouais. Politique, là. Ouais, ce côté-là, c'est plus côté politique. Et ceux qu'on en parle, ça fait longtemps, surtout l'année passée, on avait porté en force là-dessus avec eux. C'est des choses qu'on parle, mais comme je te dis, là, ça se passe plus haut. Là, c'est un gros travail, si on voudrait en arriver okay. là. Hein. Parle-moi maintenant de l'abolition de la mise en échec. Comment tu vois ça? Est-ce que mais c'est toute qu'une adaptation ben, là, pour eux autres là, aussi, là, et pour toi aussi, là? Ouais, c'est ça, mais il y a deux manières toujours d'apprêter ça. Il y a la manière de dire bon ben on suit l'hockey, on veut pas développer nos jeunes budget 2B, Bantam 2C. Il y a cette manière-là, ben il y a la manière que tu te retrousses les manches puis que tu trouves les manières de jouer cette game-là, puis en tirer profit versus peut-être ceux-là qui prennent ça plus négatif. Fait que les joueurs au début, ils sont arrivés en beaucoup venant au camp, mais écoute, on s'assied avec eux autres, puis il faut qu'on trouve un moyen de performer là-dedans. Là. On ne pourra pas rien changer à ça. La seule affaire qu'on peut changer, c'est en performant à la glace, puis changer notre performance. C'est sûr que les arbitres aussi vont vous donner un lousse. Là. Ça n'arrivera pas demain matin. Ils ne vous donneront pas des punitions du jour au lendemain. Là. Il y a toute une adaptation, et pour vous les joueurs, et pour les arbitres, et pour les entraîneurs aussi. Là. Ben, moi, j'ai plus peur qu'il se passe le contraire. J'ai plus peur que ça fasse la ligne dure en décollant. Puis qu'il n'ose pas rien laisser passer pour qu'il arrive de cas majeur. Fait que moi, je pense qu'il va être la ligne dure en décollant. Puis qu'on s'ajuste par la suite. Hey, c'est une bonne entrevue. Je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui m'ont dit que tu n'étais pas trop jasant. Fait que tu n'étais pas Roch Beaulieu. Je trouve que c'est quand même très, très bon. C'est un rendez-vous qu'on va se donner hebdomadairement tous les mercredis. Comment on a fait avec Roch? Ben, pas de problème. Okay. Voilà, donc c'est Michael Godreau, le nouvel instructeur-chef des ambassadeurs de Chicago.